Script audio. Chapitre 6. L'ombre du shérif. Égal. Durée estimée. 4-5 minutes. Ambiance. Amphithéâtre UCAD, cérémonie religieuse détournée. Égal. Introduction sonore. La cérémonie. Égal. Ambiance sonore 10 secondes. Le son de l'amphithéâtre bondé. Pleine à craquer. Chant religieux 8 secondes. Chant en poulard et en arabe. Rythmé par des battements de mains. Voix masculine multiple. Ferveur religieuse palpable. L'écho donne une impression de grandeur et de solennité. Atmosphère générale. Ferveur mystique. Dévotion collective. Quasi-trans religieuse. Égal. Narration d'ouverture. Égal. Narrateur. Voix solennelle. Presque cérémonielle au début. Le grand amphithéâtre de l'UCAD était transformé pour l'accueil du « shérif » mauritanien. L'ODPM n'avait pas lésiné. Des bannières vertes et or tapissaient les murs. Et l'odeur lourde du tioret royal saturait l'air, étouffant la poussière habituelle des lieux. Pause 2 secondes. Narrateur. Ton plus tendu. Conspirateur. Infiltré au milieu de la foule. Aïcha portait un châle sombre. Sur son visage, à ses côtés, Jean tenait discrètement son enregistreur. Tandis que Fatou se tenait près de la régie son. Le cœur battant. Musique, entrée progressive. Un bourdonnement de basse qui installe une tension sourde. Drone inquiétant. Comme un pressentiment. Pause 2 secondes. Égal. L'entrée du shérif. Égal. Narrateur. Voix qui monte en intensité. Le shérif fit son entrée sous des acclamations fanatiques. Effet sonore 5 secondes. Cri d'acclamation. Alhamdoulila. Baraka. Guillemets double. Applaudissements frénétiques. Ferveur collective. Transition. Narrateur. Moussa monta sur l'estrade. Un panier en osier à la main. Sa voix résonnant dans les haut-parleurs avec une piété feinte. Égal. Dialogue un Moussa au micro. Le manipulateur charismatique. Égal. Voix de Moussa, vibrante, exhortante, presque prédicateur. La baraka n'est pas gratuite. Mes frères, celui qui veut la protection du shérif doit prouver sa foi. L'ODPM est là pour recueillir vos adiyas. Montrez que vous êtes les fils de la noblesse. Effet sonore 3 secondes. Bruit de billets qui tombent dans le panier. Murmure d'approbation dans la foule. Pause suspense 3 secondes. Égal. Le basculement, signal de Fatou. Égal. Narrateur. Voix qui se tend. Presque un chuchotement. Aïcha fit un signe de tête à Fatou. Pause cruciale 2 secondes. Le silence doit être total ici, moment de suspense maximum. Narrateur. Voix dramatique. Soudain, les chants religieux se coupèrent net. Effet sonore brutal. Coupure nette de toute musique. Silence absolu et brutal qui envahit l'amphi. Pause tendue 3 secondes. Narrateur. Un silence brutal envahit l'amphi. Avant qu'une voix familière ne jaillisse des enceintes. Crue et cynique. C'était la voix de Moussa. Enregistrée la veille à son insu. Égal. L'enregistrement piégé la révélation. Égal. Effet sonore 2 secondes. Grésillement d'enregistrement qui démarre. Qualité audio brute. Voix de Moussa enregistrée. Ricanante. Vulgaire. Méprisante. Contraste total avec la voix pieuse précédente. Le vieux Mauritanien joue bien son rôle. Avec ce qu'on va récolter ce soir. On pourra se payer la suite à l'hôtel Teroubi. Les étudiants sont des moutons. Il suffit de leur parler de sang et de religion. Effet sonore immédiat 5 secondes. Bruit de stupeur dans la foule. Exclamation choquée. Astaghfirullah. Yalla. Guillemets double. Murmure de colère qui monte instantanément. Pause 2 secondes. Égal. La fureur d'Alou. Égal. Narrateur. Voix urgente. Presque haletante. Alou se leva. Le visage déformé par la fureur. Cherchant d'où venait la fuite. Effet sonore 2 secondes. Chaise violemment repoussée. Cri de rage étouffé. Égal. L'apparition d'Aïcha, le cri de libération. Égal. Narrateur. Voix qui monte vers le climax. C'est alors qu'Aïcha retira son châle. Et se dressa fièrement au milieu de la foule. Pause dramatique 2 secondes. Voix d'Aïcha. Claironnante. Puissante. Dominant le tumulte. Voix qui sort du silence comme un cri de libération. Le seul mensonge ici, c'est de croire que le sang donne de la noblesse à des voleurs. Vous vendez la baraka comme on vend du charbon au marché. Vous utilisez ce symptôme pour remplir vos poches. Alors que nos parents se tuent au travail. Effet sonore 8 secondes. Explosion de réaction dans la foule. Mélange de applaudissements massifs. Cris de colère. Voleur. Traître. Guillemets double. Sifflet strident. Confusion totale. Égal. L'effondrement du mythe. Égal. Narrateur. Voix triomphante mais consciente du danger. La foule commença à gronder. Le sable de l'illusion s'effondrait. Le shérif, ne comprenant pas le Wolof mais sentant le scandale, sembla soudain très petit sur son trône. Effet sonore 10 secondes. Chaos total dans l'amphithéâtre. Chaises renversées. Bruit métallique. Cris confus multiples. Voleur. Traître. Répété en boucle. Bousculade. Mouvement de foule. Sifflet. Huée. Musique. Montée dramatique. Percussion frénétique. Chaos orchestral. Égal. La fuite stratégique. Égal. Narrateur. Voix plus calme. Stratégique. Mais alerte. Dans la confusion, le cercle des sentinelles s'éclipsa. Effet sonore 5 secondes. Pas rapide qui s'éloigne. Porte qui claque au loin. Pause 2 secondes. Narrateur. Voix grave, prémonitoire. Ils avaient gagné une bataille. Mais Aïcha savait qu'Alou, humilié, deviendrait un prédateur sans limite. Musique finale 8 secondes. Tension qui reste suspendue. Inquiétante. Battement de cœur électronique. Pressentiment du danger à venir. Fondu progressif vers le silence. Égal. Fin du chapitre 6. Égal. Ampoule indication technique pour le narrateur. Égal. Théâtre l'ambiance, double rupture. Ce chapitre joue sur un contraste violent entre deux mondes. Mondain, dévotion, ambiance quasi-religieuse, ferveur mystique, chant, battement de mains, piété collective, voix solennelle du narrateur. Monde 2, révélation cynique, coupure brutale du sacré, vérité crue, vulgaire, mercantile, chaos total, effondrement du mythe. La narration doit accompagner cette rupture. Tête qui parle Moussa, double visage. Crucial. Version 1 au micro. Façade pieuse. Voix vibrante. Exhortante. Quasi-prédicateur. Ton religieux. Respectueux. Charismatique. Mes frères, prononcés avec fausse chaleur. Piété feinte mais convaincante. Version 2 enregistrement. Vrai visage. Voix ricanante. Vulgaire. Méprisante. Ton cynique. Méprisant, mercantile, mouton, prononcé avec mépris total. Contraste maximum avec version 1. Symbole d'avertissement important. Ces deux versions doivent être reconnaissables comme la même personne. Mais le contraste doit être saisissant. Feu Aïcha, le cri de libération. Sa voix doit sortir du silence comme une explosion. Imaginez, silence total dans l'amphi. 2 à 3 secondes. Puis jaillissement de sa voix, claironnante, puissante, sans peur. Chaque mot est un coup de marteau. Elle n'est plus infiltrée, elle est révélée, elle n'a plus peur. C'est le moment héroïque du chapitre. Bouton pause le suspense, pause cruciale. Juste avant que l'enregistrement ne démarre, il faut marquer le basculement avec 1. Silence total, couper tous les bruits. 2. Pause narrative. 2 à 3 secondes. 3. Grésillement d'enregistrement. 4. Puis, voix cynique de Moussa. Cette pause est le pivot du chapitre. Elle doit être sentie par l'auditeur. Clap progression dramatique. Acte 1. Ferveur religieuse. 0 à 90 secondes. Acte 2. Basculement, révélation. 90 à 180 secondes. Acte 3. Chaos, triomphe. 180 à 240 secondes. Épilogue. Fuite, menace. 240 à 270 secondes. Effet sonore détaillé et critique. Égal. Volume élevé, ambiance religieuse. Début. Chant en poulard, arabe. Voix masculine multiple. Battement de main rythmique. 60 à 80 BPM. Écho d'amphithéâtre. Réverbération longue. Murmure de prière. Fond discret. Odeur évoquée par la narration. Tiouré. Volume élevé, le signal de Fatou. Moment clé. Coupure nette de tous les chants. Silence brutal. 3 secondes minimum. Grésillement d'enregistrement qui démarre. Qualité audio différente. Enregistrement brut. Volume élevé, la révélation. Climax sonore. Voix de Moussa enregistrée. Qualité téléphone. Exclamation choquée immédiate. Astérisque, hashtag Firoula. Guillemets double. Arabe. Cherchez protection divine. Astérisque, Yala. Guillemets double. Wolof. Mon Dieu. Astérisque murmure montant de colère. Volume élevé, le chaos. Explosion finale. Chaise renversée. Bruit métallique multiple. Cri confus en wolof, français, poulard. Voleur. Traître. En boucle. Bousculade. Mouvement de foule. Sifflet strident. Porte qui s'ouvre violemment. Fuite. Égal. Musique suggérée. Égal. Note de musique ouverture. Ambiance religieuse. Chant soufi mauritanien. Kawali léger. Percussion tabla. Atmosphère mystique. Hypnotique. Note de musique tension montante. Infiltration. Drone de basse continue. 50 à 60 Hz. Synthé inquiétant. Pressentiment. Battement de cœur électronique. Discret. Note de musique révélation. Basculement. Silence total. Coupure musicale. Puis. Percussion brutale. Impact. Corde dissonante. Chaos. Note de musique chaos. Climax. Sabar frénétique. Percussion multiple. Rythme anarchique. Désordre total. Cuivres agressifs. Urgence. Note de musique finale. Menace suspendue. Tension non résolue. Battement de cœur lent mais lourd. Synthé menaçant. Danger à venir. Égal. Timing suggéré. Pour enregistrement professionnel. Égal. Minuit à minuit 18. Chant religieux plus intro ambiance. Minuit 18 à minuit 50, narration. Cérémonie transformée. Minuit 50 à 1h10, infiltration. Aïcha cachée. 1h10 à 1h30, entrée du shérif plus acclamation. 1h30 à 1h50, Moussa au micro. Version pieuse. 1h50 à 2h05, signal de Fatou. Suspense. 2h05 à 2h35, Enregistrement révélé. Choc. 2h35 à 3h05. Aïcha se révèle. Cri. 3h05 à 3h45. Chaos total dans l'amphi. 3h45 à 4h10. Fuite plus narration finale. 4h10 à 4h20. Musique menaçante plus fondue. Durée totale. Tilde 4 minutes 20 secondes. Égal. Note culturelle et contextuelle. Égal. Épingle shérif. Guide spirituel respecté. Islam soufi. Épingle THIOURAYE. Encens traditionnel sénégalais. Épingle baraka. Bénédiction divine. Concept islamique. Épingle ADIYE. Cotisation collective. Ici détourné. Épingle TERROUBI. Hôtel de luxe à Dakar. Épingle poulard. Langue peul. Épingle Astagfirullah. Que Dieu me pardonne. Arabe. Épingle bannière verte et or. Couleur de l'islam. Égal. Vocabulaire politique et religieux. Égal. Rond rouge shérif. Autorité spirituelle. Souvent lignée prophétique. Rond rouge baraka. Grâce divine. Bénédiction. Rond rouge ADIYE. Cotisation. Contribution. Ici escroqué. Rond rouge noblesse du sang. Mythe de supériorité ethnique. Rond rouge mouton. Métaphore méprisante. Suiveurs aveugles. Égal. Contraste central du chapitre. Égal. Sacré versus profane. Religion détournée versus vérité révélée. Dévotion aveugle versus lucidité critique. Façade pieuse versus cynisme mercantile. Ce chapitre dénonce l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques et financières. Égal. Conseil d'interprétation finale. Égal. Théâtre Énergie Générale. Ce chapitre est un coup de théâtre. Il doit avoir l'impact d'une révélation publique. Pensez à un scandale politique qui explose en direct. L'auditeur doit ressentir le choc de la foule. Théâtre, le double jeu de Moussa. C'est le cœur du chapitre. Moussa au micro égale acteur qui joue le saint. Moussa enregistré égale vrai visage du cynique. Le narrateur doit souligner ce contraste. Théâtre, le silence avant la tempête. La pause avant l'enregistrement est capitale. C'est le moment où tout bascule. Ne pas la précipiter. Laissez le silence s'installer. Théâtre, Aïcha héroïque. Sa voix doit être libératrice. Imaginez Jeanne d'Arc, Simone Veil, Rosa Parks. Une voix de femme qui refuse le silence. Égal. Direction artistique générale. Égal. Ce chapitre doit sonner comme un scandale qui explose en direct. Une manipulation religieuse démasquée. Un acte de courage politique. Une victoire symbolique mais dangereuse. Évitez le ton moralisateur anti-religion. La caricature du prédicateur. L'agitation gratuite. Recherchez la tension du scandale qui éclate. Le choc de la double vérité. L'émotion de la révélation publique. Le danger qui monte après la victoire. Égal. Phrase clé à faire résonner. Égal. Feu, le sable de l'illusion s'effondrait. Flèche vers la droite, métaphore centrale du roman. Feu, les étudiants sont des moutons. Flèche vers la droite, mépris révélé. Scandale maximum. Feu, le sang donne de la noblesse à des voleurs. Flèche vers la droite, dénonciation du mythe ethnique. Feu, Alou deviendrait un prédateur sans limite. Flèche vers la droite, présage du danger à venir. Égal. Fin du script. Égal. Copyright 2026 Sabia, Scène Africa Bahia. Auteur. Eliman Diop. Adaptation audio. Claude. Assistant IA. Chapitre suivant. La nuit de la trahison.